Bonsoir tout le monde, vous êtes à votre rendez-vous hebdomadaire, les amateurs de Mac, bonsoir, let's dance! Bonsoir tout le monde. Vous êtes, comme je le disais en intro, aux amateurs de Mac, bonsoir. Ce show de questions-réponses où vous posez des questions et on espère que vous en avez ce soir, comme d'habitude, mais plus ce soir. nous, on essaie de fournir les réponses. Donc, ça marche de même. Là. Si vous n'avez pas de questions, les réponses, ça risque de se finir vite, ce show-là. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, avec moi à mes côtés pour répondre à ces questions, Jean-François Roy, comme d'habitude. Ça va bien, Jean-François? Oui, ça va bien. Merci, toi. Oui, ben oui, on vient de finir un super podcast à Québec, le show très juste avant. Ben oui, on a eu Patrick Gagné comme invité qui a lancé cette semaine Tag Taxi. Je me trouve vraiment cool, tu sais, de l'avoir reçu si rapidement. C'est vraiment dans l'actualité. Je me trouve assez cool. Puis je trouve que ça c'est une belle expérience. D'ailleurs, je l'annonce, on devrait recevoir en fait ce gentil monsieur que j'ai rencontré au Webcom hier. Je vais regarder dans les cartes d'affaires si je le retrouve rapidement. Donc, ça devrait être M. Éric Léveillé qui devrait se joindre à nous dans 2 semaines pour Protégez-vous, qui vient de sortir son application iPhone, qui est sortie, si je ne me trompe pas, hier. Donc, il va être avec nous. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit hier. Donc là, j'ai stoulé un peu son nom, fait qu'il n'a comme plus le choix. Vincent, oui. T'es avec nous? Ça va bien? Je suis avec vous, je suis dans le noir en ce moment. Oui, c'est ça. Sans pantalon. Oui, comme d'habitude, c'est correct. Mais Vincent Miller, Pierre Bruno, même combat. Oui, c'est ça, exactement. C'est toujours exactement. Le veston en haut, mais en bas, c'est tout nu, là, comme un étudiant. Ouais. Il y a absolument rien. Mais quoi qu'on n'a pas le droit d'être tout nu dans une manifestation, hein, faut pas oublier. Non, donc, surtout... là, on n'a pas le droit de masque, on n'a pas le droit de violence, on n'a pas le droit... On a le droit de fuck all, tu sais. T'as le droit d'être assis puis de tweeter, c'est tout. On n'a même pas le droit d'être caméraman récemment aussi, hein, je sais pas si vous avez vu. Ouais, il a reçu un cheval, celui. Hein. Exactement. Ouais. Ben oui, je suis là, frais et dispo pour ce show. Excellent. Ouais. Toi, Alexis, tu passes à quoi cette semaine, ton temps libre? Moi, je passe mon temps cette semaine. Écoute, je suis ici chaque semaine pour dire aux gens qui peuvent m'appeler. Mais le problème, c'est que je suis comme un réparateur métal. Moi, tu vois, le Mac, ça brise pas souvent. Fait qu'il faut que je me trouve des hobbies. Et cette semaine, je suis allé mettre la main sur Diablo 3 qui sortait, le gros jeu vidéo de Blizzard. Ça fait 11 ans. Que le jeu est en développement. 11 ans que Diablo 2 est sorti et qu'ils ont commencé le développement. D'ailleurs, j'ai vu un bijou de petite vidéo aujourd'hui. La vidéo, c'est tout simple. C'est une fille qui est très jolie, qui représente Diablo. Puis c'est un gars qui est là, qui est assis, tu sais, puis là, oups, la fille, elle arrive et elle est craquante. Elle est vraiment... Ouais, elle est très jolie. Faut que je le dise, moi, que ça vienne de moi, là, elle est très jolie. Voilà. Et elle est vraiment diabolique et elle dit « Salut, ça va bien? » Puis elle fait comme « Diablo? Ouais, ils m'ont laissé sortir après 11 ans, tu sais. Ouais, mais... » Puis là, elle fait comme « Est-ce que tu veux jouer avec moi? » Puis là, il est comme « Non, mais j'ai une blonde, tu sais, une vraie blonde. Je peux pas comme faire ça. » Puis la fille s'approche de lui. Elle le tente. Le gars tombe dans le panneau et le gars ferme les yeux, pensait qu'elle allait y arriver quelque chose de superbe. Et finalement, quand il ouvre les yeux, la fille, elle ouvre sa chemise et sur le T-shirt, c'est marqué « Erreur 37 ». Oui. Ceux qui jouent. C'est l'erreur. En fait, chaque jeu a ses problèmes. Il y a eu des surcharges de serveurs, tout simplement. Là. Tout le monde. Surcharge, c'est comme. Oui, ça a explosé. Je trouve que c'est un epic fail d'un lancement de jeu, là, c'est comme... tu sais, c'est quand même Blizzard, là, tu sais, ils ont World of Warcraft, là. Ben, oui, c'est vrai que considérant ça, il y aurait pu, mais je sais pas, les chiffres les ont peut-être submergés, ils savaient vraiment pas que ça allait... Non, je le sais que Battlefield 3, à la sortie aussi, ont eu des troubles, mais ça, on le sait que c'est EA. T'sais. C'est comme EA, c'est pas comme... En tout cas, fait que... Mais... Blizzard appartient maintenant à EA. À EA, exactement. Ouais. Mais comme je disais, ils ont World of Warcraft, là. C'est sûr que... T'sais, ils ont quoi? Ils sont rendus à quoi? 10-15 millions d'utilisateurs? De World of Warcraft. Monsieur Ducharme, en plus, a un point, c'est qu'ils ont eu un paquet de précommandes. Donc, les précommandes te donnent une idée du chiffre que tu vas avoir. Ben, c'est ça. C'est ça le nombre que tu peux vendre pendant une journée. Bref, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, les problèmes sont en gros réglés sur Diablo 3. Et même que je viens tout juste d'apprendre, donc c'est tout frais et c'est une grande nouvelle, si vous nous rejoignez pour l'événement du 11 juin pour la WWDC, on aura une copie de Diablo à faire tirer spécialement pour ceux qui seront en direct avec nous pour cet événement-là. Faut dire aussi que Diablo 3 est disponible sur Mac. Oui, voilà. Les jeux de Blizzard, habituellement, c'est une compagnie qui fait bien les choses. Ouais. Les jeux sont optimisés pour les deux plateformes. C'est une des rares compagnies qui le fait, qui fait des jeux multiplateformes. D'ailleurs, on l'a dit dans l'autre show, mais on ne l'a pas dit dans celui-là, mais on va être à Sherbrooke, chez Monsieur Ducharme, pour l'événement qui va probablement se tenir. C'est pas confirmé, mais va à 13h, probablement, là, comme l'année passée, comme les autres années. Voilà. Il en dort plus. Donc, c'est ça. Le 11 juin. Voilà. Et moi, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai vécu à Sherbrooke. Ah oui? Oui. Ah bon, mais tu nous contras ça une autre fois. C'est intéressant. Les questions cette semaine? Oui, donc c'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça. On va être chez M. Ducharme à Sherbrooke, qui va nous faire pour l'occasion des brochettes de poulet à saveur de pomme, j'imagine. Ouais. Hey, on est sérieusement... Ah oui, on a ça de questions ou c'est toi qui as déjà... On a reçu une question, puis il a rajouté les quatre. C'est moi, j'ai rajouté les quatre autres. Ah, OK, excellent. Parce que, justement, on se demandait si on allait avoir des questions cette semaine. Est-ce qu'on a un prix à faire tirer cette semaine? Est-ce qu'on a des applications à donner ou quelque chose? T'as-tu mis la main, Vincent, sur des promo codes? Non? Vincent? Oui, mon silence en dit long. OK. Ah, OK. Bon. Ben, tu vois. Keep the question coming. J'ai juste reçu un code pour courrier. J'en ai voulu d'autres, mais comme ça passe par le Mac App Store, ils sont limités pour le nombre de. Je pense que c'est 50 ou même un peu moins. Donc, sont limités. C'est un peu plate, mais en même temps, je suis content d'en avoir reçu un. J'ai pu faire le test. On va continuer à essayer d'en demander d'autres. Puis, on va essayer de faire tirer aussi plusieurs choses au niveau du WWDC. Là, on est en train de regarder ça. Ouais, exactement. On regarde des trucs assez intéressants. Ça va avoir la peine, en tout cas, d'être là. Nous on le fait pour le fun. Puis, je pense que ça va être un gros événement. Moi, je vais le dire en ondes, why not? Je vais pouvoir brancher tous les micros sur mon ordinateur pour faire l'enregistrement. Donc, il n'y aura pas de problème de tech pour ça. Excellent. Tu vas avoir une petite console? J'ai une petite patente, là. Cool. On verra ça après. Excellent. Jeff, tu allais dire? Il n'y en a pas un qui va toucher à mon chat. C'est-tu clair, ça? Je l'aime, mon chat. On ne touche pas à mon chat. Là, c'est comme un bruit de background, c'est pas si dérangeant que ça. Là. Je le sais, son chat et son frigidaire. Il est fermé, là, je vais le repartir tantôt. Ouais, garde ton chat, mais débarrasse tout ton frigidaire. Exactement. Ben là, c'est ça. Descends-le en bas. Si je voulais dire, on n'a pas parlé dans l'autre, dans le podcast Mac Québec, mais Vidéotron ont sorti aujourd'hui une vitesse d'enfer qui frôle le 200 mégabits par seconde en téléchargement, en vitesse d'Internet. C'est quoi, genre 180 ou? C'est $200 par mois. Mais je pense que ce que tu disais, ce que j'ai lu, c'est 200 de download. Oui, c'est correct. Est-ce que c'est 200 d'upload? Non, c'est 200 de download et 50 gigs de upload. 50 c'est... mégabits d'upload. 50 gigs, okay. C'est l'upload. Ah oui, non, l'upload, je ne sais pas. Je vois, si on a 50 gigs, de... on n'ira pas loin. Ça fait 15 secondes d'Internet et voilà, tu viens de buster. Oui, non, c'est ça. Non, mais je veux dire, parce que moi, c'est surtout pour le prix, surtout en plus que c'est à Québec. Là. C'est juste pour Québec pour l'instant. Là. Mais c'est 30 mégabits en upload. 30 mégabits en upload, ça commence à avoir... c'est intéressant. Pour des compagnies, ouais. En tout cas, ça commence à être intéressant. Comme et moi, c'est le côté téléchargement par mois. Tu as juste 200 gigs... Et ah oui, non, ça c'est trop. En amont, là, c'est comme, c'est rien, là. Ah non, c'est rien du tout, là. Puis c'est fait pour passer au travers, puis pour acheter leur espèce de bloc. C'est rien, c'est une vraie joke, là. Quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, ouais, en fait, la seule raison pour laquelle ce produit-là est sorti, c'est d'abord que l'infrastructure le permet à Québec. Elle ne le permet pas ici parce qu'ils n'ont pas encore changé tout ce qu'il fallait pour le faire. D'ailleurs, ça fait plus d'un an qu'on attend le 120. Le TGV 120, là, ici, là, il est en essai à Québec, mais là, on upgrade Québec, mais on upgrade pas Montréal. Mm. En tout cas, on sent qu'il y a Québécois derrière ça. Ben, voilà. Puis, ouais. Mais la seule raison, c'est de pouvoir dire, nous, on a une vitesse plus élevée que Bell qui affiche en ce moment avec fibre du 175 mégabits. C'est la seule raison. Donc, pour ouais. pouvoir dire, on est encore le plus rapide, blablabla. Bla, bla. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas. Voilà. Ben, on va commencer à répondre à des questions. Donc, il y a Ed7789 qui est un nouveau, je pense, au podcast. Première oui. question. Donc, qui nous demande, il nous dit que j'ai changé le disque dur de mon MacBook Pro 15 pouces mi-2010 par un SSD de capacité supérieure, 500 gigs vers 512. Donc, on voit que c'est assez long. Lorsque j'ai voulu faire une restauration via Time Machine avec le Lion Internet Recovery, il ne voyait que la partition data de ma Time Capsule et ne voyait pas ma partition personnelle. J'ai essayé de monter le disque manuellement, mais il n'était toujours pas détecté. Je ne pouvais pas faire une copie directe de ma partition Macintosh HD. J'ai dû installer Lion et ensuite forcer une restauration par-dessus avec l'ancienne partition pour que je puisse migrer mes données dans un minimum de temps possible. Dans l'OS complet, je suis capable d'accéder à ma sauvegarde. Qu'est-ce qui pourrait causer le problème que ma partition Time Capsule n'ait pas reconnu le Lion Recovery HD Internet Recovery? Au passage, mes micro-logiciels firmware sont à jour autant du côté de mon MacBook Pro que ma TC. Merci. Ma Time Capsule. De ma Time Capsule. Donc, il a changé le disque dur et quand il est arrivé pour restaurer avec le Lion Recovery, le Lion Recovery, il l'a pris où? Il l'a pris sur Internet. Ah, il y a un logiciel sur Internet pour l'installer sur des disques durs comme ça? Ben, mettons, comme moi... Ouais, comme ça, t'as fait installer Lyon avec dans le fond, tu t'sais, télécharges ta disque dur, là. C'est ça, tu sais, t'as pas de télé... Oui, OK. Bon, c'est ça, tu sais, au lieu de prendre le... Parce que vu que ton disque dur est vierge, il va se brancher automatiquement sur Internet. Tu sais, il doit avoir un micro-logiciel dans l'ordinateur qui fait ça. Okay. Mais il télécharge le fichier sur l'ordinateur. Mais si le disque dur n'est pas partitionné, je pense pas que ça fonctionne. C'est ça que je me disais. Je pense qu'il faut que le disque dur il soit... partitionner une première fois pour que le téléchargement se fasse sur le disque dur? Ben, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a peut-être... Ben, attends. Pas nécessairement. Ben, moi, j'ai pourquoi pas de problème avec mon SSD comme ça. OK. La partition data là, dont il parle sur sa Time Capsule, il ne voyait pas ma partition personnelle, mais le dossier, il s'appelle data sur le Time Capsule, le dossier qui contient les backups. Il s'appelle Backup, puis ensuite tu vois les différentes dates pour les différents dossiers, mais ça s'appelle pas Data. Non. Non. Fait que lui, c'est comme si la Time Capsule était partitionnée en deux, fait qu'il voyait comme la première partition. J'ai une meilleure idée. Ah non, ça va, ça marchera pas, j'ai rien dit. OK. puis il y avait un 500 gig, il est passé vers un 512. Est-ce qu'il est possible, ouais, est-ce qu'il est possible que le formatage, en fait, d'un 500 gig, ça lui, tu sais, on perd toujours quelques gigs, ça se peut-tu qu'on en perde un peu plus sur un disque SSD si c'est fait de manière différente? Comme un 512 gig SSD, combien une fois partitionné a de gigs? Puis un 500 gig, le 500 gig, fait que quand il a voulu restaurer sa time capsule, c'était peut-être, ah, mais t'as pas assez d'espace dans le disque dur, fait que tu peux pas le faire. Tu comprends-tu? Non, mais la time capsule ne met pas au complet le 500 gig de sa time capsule. Puis de toute façon, il n'y aurait pas eu de problème parce que c'est pas. Non, il n'y a pas de problème. Tu parles au niveau du. Non, ce que je dis, c'est que tu peux pas. Le nombre d'octets, ces choses-là. C'est ça, mais tu peux pas restaurer sur un disque plus petit, mettons. Mais sa partition, si elle était plus petite que la partition 500 gigs, il aurait pas pu. Il disait simplement qu'il n'était pas là parce qu'il considérait qu'il ne pouvait pas le restaurer sur son 512. Il y a un message qui apparaît disant « J'ai eu le même problème parce que j'ai un 128 gigs là, de SSD, mais j'ai eu le même problème. Ça donne le message que ça ne peut pas se faire à cause que tu n'as pas assez de place. » Donc, c'est pas, ça apparaît pas. Rien. Okay. Puis, de toute façon, 512, c'est pas parce que c'est un SSD qu'il y en aurait moins ou plus. Là. Mm-hmm. Ça change rien. OK. Fait que c'est pas ça. Puis, une fois qu'il était rendu dans. Ben, il a installé une première fois, puis après ça, il a pu le faire. Ça se peut-tu qu'il fallait que la partition Lion Recovery, fallait qu'elle soit sur le disque dur? Il fallait qu'elle-même soit installée sur le disque dur en premier? Parce que s'il restaure juste le time capsule, la recovery, le Lion Recovery, il n'est pas dans le time capsule. Non. OK. Fait que ça se peut-tu qu'ils disent « Je veux pas l'installer parce qu'il me faut cet espace-là au minimum. » Tu sais, il dit Comme l'information que j'ai de besoin, parce qu'il faut toujours que le Lion Recovery soit sur le disque dur. Il n'y en a pas d'ordinateur sur lequel Lion est installé, sur lequel la partition cachée n'est pas. On s'entend là-dessus? Mm-hmm. Fait que peut-être que... en fait, lui, il dit qu'il a booté avec Pomme R, puis que là, ça va le chercher directement d'Internet, mais le nouveau disque dur, lui, il n'a pas cette partition-là. Là. Elle peut pas être... Elle est sur le disque dur, la partition Recovery. Oui, comment j'ai fait ça? Comment je l'ai fait, moi aussi? Parce que moi, je l'installe à partir d'une clé USB, je me fends pas le cul. Ouais, non, mais c'est ça, parce que moi, quand j'ai changé mon. Quand j'ai mis le SSD, il n'y a pas de partition dedans. Là. C'est ça? Comment je l'ai fait? Ben, moi, ça a fonctionné. Là. Oui, il l'a téléchargé et puis il l'a installé. Là. Ouais, parce que je sais que je l'ai téléchargé, moi aussi. Mais comment. Comment il a pu avoir l'information pour le téléchargement sur le nouveau disque dur? Bonne question. Je m'en rappelle pas. Mais la raison pour laquelle il a changé le 500 gig vers le 512, le 500 gig, théoriquement, a encore les mêmes données. Moi, habituellement, ce que je fais, c'est un clone du disque vers le nouveau. Puis après ça, tu implantes le nouveau dans l'ordinateur. Oui, c'est ça. Plutôt que de restaurer par le Time Machine. Ben quoi, moi je fais un peu ce qu'il fait, je le pars à zéro, tout neuf, puis ensuite je vais chercher tout ce qui m'intéresse, puis le reste, tu sais, des fichiers temporaires que j'ai pas de besoin et tout. Dans le fond, je vais rechercher mon document, mon fichier document, ensuite document, téléchargement, puis application. Je vais chercher mes applications que j'ai de besoin. OK. Ouais, c'est ça. Puis mes dossiers genre iTunes, là. Mais pour essayer clairement. Ouais. Je serais curieux de voir, en fait, si là, il fait... Bon, maintenant que tout est installé puis semble fonctionner, si maintenant, il rouvrait son ordinateur avec Alt enfoncé, il basculait sur la... comment ça s'appelle? Sur la partition Recovery. C'est pas la partition Recovery. C'est une fois que tu es dans cette partition-là, il faut que tu ailles en haut. Faut que t'ouvres. Non, c'est vrai. Maintenant, il y a l'option. Fait qu'ils te disent dans les quatre choix ou les trois choix que tu as, veux-tu recover à partir d'un time capsule? Et s'il va, je ne sais pas si ça va lui donner la possibilité de le faire maintenant. Il faudrait vérifier si ça fonctionne et s'il a accès à sa partition maintenant. Ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait une première fois, effectivement, que Lion soit installé neuf sur un nouveau disque dur. Mais vous dites que vous ne l'avez pas fait comme ça, puis vous n'avez pas fait de transfert d'un disque dur à un autre non plus? Ben moi, j'ai une time capsule, fait que j'ai pris tout mon stock de ma time capsule, je l'ai sacré dedans quand j'ai... Mais c'est ça, mais tu l'avais installé en téléchargement. Mais par exemple, tu as téléchargé Lion avec le téléchargement là, en ligne de Lion ouais. sur ton nouveau SSD. Mais c'est la méthode de le faire parce qu'il n'y a pas l'information pour le téléchargement sur le SSD qu'on l'installe tout de suite. C'est ça qui est bizarre. Il faudrait faire des tests. Ouais. Excellent. Écoute, j'espère qu'on t'a donné des pistes ou quoi que ce soit. Essaye ce que j'ai proposé, d'aller voir si maintenant ça fonctionnerait. Peut-être que ça répondrait à la question, mais sinon, je t'avoue que... Peut-être mettre le SSD à jour. Il y a peut-être un firmware. Je sais pas si tu peux le brancher à un PC, là, parce qu'on s'entend que les SSD, ils n'ont pas du solitaire pour le mettre à jour, le firmware sur un Mac. Là. Mais comme moi, j'ai fait, quand j'ai acheté mon SSD, il y avait une mise à jour, fait qu'il fallait que je le branche sur le PC à mon chum pour le mettre à jour. Fait que peut-être mettre le micro-logiciel à jour, ça aiderait peut-être aussi, là, parce que c'est pas comme un disque dur normal, hein, c'est comme... fonctionne sinon, bien. Ou sinon télécharger, le mettre sur une clé USB, puis... Le booter ta clé USB puis ensuite installer Lion sur ton ouais, parce que c'est la meilleure manière aussi là. Ouais. c'est vraiment la meilleure manière d'installer Lion, c'est de se créer une clé d'installation là. C'est comme parce que même le Lion Recovery Internet, c'est très long là, ça va télécharger 4 gigs là, c'est que c'est long à télécharger, puis ça prend pas ça prend pas comme le maximum de votre bande passante pour le télécharger. Ça part des serveurs d'Apple, ça peut être occupé, peut-être que ça va prendre le tiers de votre bande passante, donc ça va être long à télécharger. Ouais. Moi aussi, ça a pris bien du temps. Ensuite, il fait comme une espèce de... pas une installation, mais il fait une espèce de vérification qui prend genre une quinzaine de minutes, puis ensuite, il fait un redémarrage, puis il réinstalle. Ah ouais, c'est très bon. Une heure et demie au moins. Ah ouais. Fait qu'avec une clé USB, ça l'accélère beaucoup, puis en plus, avec le SSD... ça va super vite pour l'installation, donc ouais. Je mets le lien je ne sais pas si on va l'avoir dans les notes du show, mais je mets le lien vers le meme de la semaine qui nous est offert par Benoît Mercier, qu'on remercie. Depuis maintenant 3 semaines, Benoît fait des mèmes Mac Québec et amateur de Mac Bonsoir. Au moins. Donc, c'est très drôle. Ouais, cette semaine, ça a moins rapport avec la politique, ça a rapport avec qu'est-ce que le Québec va avoir là si on laisse aller dans... Ouais. Une chance qu'il n'a pas mis la photo de Dark Vader avec Gabriel Nadeau-Dubois là, qui se bat là, avec la vidéo qu'on a vue là, hier. Là, tu sais que Gabriel Nadeau-Dubois a fait un film à la Star Wars. Là. Oh. C'est comme... t'as pas vu ça? Non, je pense que je l'ai pas vu. Tu mettras le lien... Attends un peu, je vais aller le retrouver. Voilà. D'ailleurs, j'en ai contre Benoît parce qu'à cause de leur show, je me suis mis à lire... j'ai mis la main, en fait, sur le package... Planet Hulk. Puis, mm-hmm. En fait, Planet Hulk qui est suivi de World War Hulk. En tout cas, il se fait pitcher dans l'espace. Il se passe toute une saga sur une planète. Il revient sur la Terre parce qu'il est en tabarnak. Et on peut vraiment dire en tabarnak parce qu'il est furieux. Là. Il n'y a personne qui l'a vu de même. T'sais. Puis déjà, c'est comme... Il n'y a pas un bon tempérament, là, on s'entend. Oui, c'est Hulk. C'est... Okay. Oh, ouais, c'est ça, mais plus que d'habitude, là, tout le monde qui le voit, ils font « Écoute, on ne l'a jamais vu de même. » Xavier essaie d'y rentrer dans la tête. Il fait « Non, je ne peux pas rentrer là. Il est trop... » Il se fait une femme, puis elle meurt. T'sais, elle se fait exploser la gueule. Fait que, bref, mettez la main là-dessus, c'est vraiment bon. Puis mettez la main sur les épisodes des Mystérieux Étonnants. Je vous le recommande. Moi, je consomme ça en rasant mon gazon. Okay. Quand je passe ça. Je me demandais où t'allais aller un avec geek, ça. Un geek de banlieue, c'est ça que ça fait. J'ai tweeté ça cette semaine. Un geek de banlieue, ça tond son gazon en écoutant les Mystérieux Étonnants. Ben, moi, écoute, je passe. Pour passer la balayeuse dans la maison, il faut que j'écoute un podcast dans mes oreilles. Fait que c'est Radio Talbot ou c'est d'autres podcasts, comme Trois Bières. Excellent. J'ai mis dans le chat la vidéo que je parlais sur YouTube de Jedi Gabriel Nadeau-Dubois. C'est à voir. C'est comme... En tout cas. On fera ça, mais là, on a un podcast à animer. Oui. T'as rajouté des questions. On va les passer. On va rappeler, en fait, la méthode, là, comment ça marche. Donc, vous êtes 19 personnes, 20 maintenant dans le chat. Et sous la fenêtre vidéo, vous avez dans le coin un « comment and or question ». Donc, vous cliquez là-dessus, vous rentrez votre question et nous, on va pouvoir la publier tout de suite et y répondre. Puis, on a eu... je pense que les gens sont en congé ou en fait sont peut-être polarisés vers d'autres choses que les problèmes d'ordinateur qu'ils peuvent avoir. Mais on a eu peut-être une petite descente d'achalandage sur Mac Québec Entraide cette semaine. Donc, voilà. En fait, si vous ne posez pas de questions, le show finit dans 20 minutes. Donc, j'ai un PowerBook. Je crois que dans 20 minutes, il va quand même être 23h20. Ouais, j'avoue. Ouais. Dans genre 30 donc, minutes. C'est bon. J'ai un PowerBook G3 Pismo et je dois changer le disque dur. Est-ce bien compliqué? Il est sur le point de me lâcher. Merci. Qui a posé cette question-là? Joseph-François R. Allaire. OK. Écoute, un Pismo, c'est un ordinateur qui a au bas mot 10 ans. Comme il faut. Je ne pense pas et je sais même pas si c'est de l'ATA qu'il y avait dans ces ordinateurs-là. Je vais aller vous dire ça. Et je pense qu'il y a une problématique au niveau du firmware de l'ordinateur à supporter des grosseurs de disques durs de plus de, je te dirais, 250 ou 320 gigs. Donc, écoute, compliqué. Je ne sais pas si c'est compliqué dans l'ordinateur, mais trouver la pièce... Peut-être qu'il entraîne sur eBay, là. C'est sûr que c'est une bonne place où regarder, mais j'ai vraiment, vraiment... En tout cas, c'est pas quelque chose que je recommanderais, parce que si le disque dur doit être changé, c'est qu'il va avoir d'autres choses qui va éventuellement lâcher. C'est un ordinateur qui peut plus faire grand-chose. Ça supporte... Ça supporte OS 10.2 au maximum, peut-être? Non, la version Pismo de février 2012 va jusqu'à Tiger. Ah, quand même. Oui, mais sauf que le disque dur, le max qu'il peut mettre, c'est du 18 gigs. Oh! Fait que je pense qu'un disque dur, 18 gigs, à moins que tu trouves ça quelque part, là, je sais pas trop. eBay, mais encore là... Écoute, l'argent que tu mettrais pour le transport, pour l'achat d'un disque dur comme ça, honnêtement, je le mettrais sur une machine usagée que tu pourrais trouver sur les Mac, mais qui tu sais, je veux dire, qui serait un petit peu plus courante, là. Honnêtement, en fait... Les pièces après ça sur les Mac. Voilà. De ton Pismo, voilà. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis pas certain que l'achat d'un ordinateur en bas des processeurs Intel actuellement soit vraiment une bonne chose. C'est sûr que peut-être que il le garde par il trouve l'objet beau. Moi, je pense que j'en ai un clamshell, mais qui est un G3, là, donc c'est les colorés, là, mais il fonctionne pas. Là, c'est juste pour l'avoir, là, parce qu'il est drôle. Je l'ai avec le sac qu'Apple avait sorti, tout ça. Mais donc, c'est peut-être une valeur sentimentale qu'on voudrait le garder, mais ça peut être compliqué. Sinon, en tout dernier recours, peut-être que ce que je pourrais vous suggérer de faire, ce serait de contacter le musée d'informatique qui est situé à Hochelaga. Et eux reçoivent beaucoup, beaucoup de donations des vieux modèles d'ordinateurs. Donc, peut-être que dans tous ces trucs-là qu'ils reçoivent, ils vont être en mesure de vous trouver une pièce. Ça se pourrait. Donc, ça pourrait être une avenue. Puis, j'espère que Vincent est comme en train de chercher l'adresse ou quelque chose en arrière du musée de l'informatique qui est situé à Hochelaga. Ah, ben écoute, je suis en train de le voir. Parfait. Fait qu'on va passer à une autre question. Toujours une question de Jean-François qui connaît rien au Mac. Non. Non, oui, méchant pourri. Fuck off. est-ce possible de changer le storage flash de 128 gigs d'un MacBook Air par un autre de 256 gigs? C'est Denis Pouliot qui nous a posé la question et j'ai répondu cette semaine. Monsieur Pouliot était d'ailleurs très content. Il m'a écrit un email que j'ai reçu ce matin. Je pense que je n'y ai pas encore répondu. Oui, c'est possible. La compagnie OWC, parce qu'il faut dire que dans les MacBook Air, c'est un disque très particulier. C'est, en fait, ça ressemble à une barrette une de mémoire. Et la compagnie OWC a sorti des disques durs pour MacBook Air. C'est pas donné, mais ça se change. Donc, pour un 256 gigs, on parle de 300 quelques dollars. Et pour le 512 gigs, c'est autour de 1 000 $. Donc, c'est quand même assez dispendieux. Et puis, bon, évidemment, j'ai proposé mes services à M. Pouliot, mais sur le site de OWC, il y a le vidéo pour le changer et c'est rien de vraiment compliqué. Donc, je vais lui répondre puis il va pouvoir probablement le faire lui-même. Je pense qu'en commandant, en fait, le disque dur, les tournevis nécessaires au changement viennent avec. Là, le ouais. Combien qu'il vend chez Apple? Tu le sais-tu? Non, j'ai pas regardé. Okay. Vincent, on te met sur l'affaire. Vous voulez quoi, là? Vous voulez des disques durs de plus, là? Non, savoir chez Apple combien le 256 gigs dans un MacBook Air peut coûter. OK, c'est bon, je vais chercher. Mais t'as pas encore la réponse à notre première question? Non, mais écoute, comme étant un gars de région, j'ai aucune idée comment ça s'écrit Hochelaga, donc je me démène à essayer de savoir comment ça s'écrit. Comme ça se prononce, là, H-O-C-H-E-L-A-G-A. Hochelaga. C'est juste en bas de chez nous, c'est pas de rien, là. J'ai déjà été, c'est super beau. Merci, M. Sétiguidou. C'est le Musée de l'informatique du Québec au pavillon d'éducation communautaire de Hochelaga-Maisonneuve, au 1691 boulevard Pinneuf, Montréal. Montréal-Québec. H1V2C3. Voilà. Amusée.net. iMusée.net. iMusée, oui, c'est ça, c'est le iMusée. Ouais. Donc, c'est très beau, je le recommande, là. C'est super beau aller là. Fait que... ils ont des machines, je suis allé à un moment donné avec Il sans fil, il y avait des ateliers là-bas, c'était super intéressant. Et il y a des machines qui sont branchées sur Internet et qui sont là pour se faire hacker. C'est très drôle. Ah! Voilà. C'est comme quand on avait essayé de hacker les iPads, puis quand on avait été pour le lancement du nouveau iPad, là. Restreint à l'intérieur. Là. Ouais. En fait, c'est une manœuvre là, dans leur socle. Il faut appuyer à deux endroits sur l'ordinateur, puis sur l'iPad, puis on les redémarre. Voilà. Donc, en espérant que les gens ont pris imusée.net/WordPress. Voilà, ça sera dans les notes du podcast. Ouais. C'est la réponse? Oui. C'est 300 $. Le 256, mais reprennent ton 128 puis mettent un 256. C'est ça. Donc, ça vaut quand même la peine de le faire à l'achat, peut-être. Mm-hmm. Bon. Ouais, parce qu'ils reprennent le 128. Là. Ouais. Ils te le laissent pas, là. C'est comme un autre 128 qui te vend 300 $. C'est quand même un peu cher. Ouais, c'est ça. Ouais. Vincent, est-ce que tu veux lire la prochaine? Ça va être pour toi, celle-là? Oui, OK. C'est un petit peu juste une seconde. OK. C'est celle qui est publiée, là, oui? Oui. Pourquoi est-ce que je reçois le message suivant? Impossible de télécharger les articles du feed RSS de Mac Québec de Claude Carrier. C'est pour la simple et bonne raison que le feed ne fonctionnait pas. Mais le feed a été réparé, donc le tout fonctionne maintenant très bien. Puis vous, j'imagine que vous avez remarqué dans l'application que ça fonctionne bien aussi. Là. Le message d'erreur apparaissait sur l'application. C'est ça, justement, le feed ne fonctionnait pas. Mais le tout est réglé. Dire aussi que Vincent ne dort pas. Non, c'est ça. Il travaille que sur MacQuébec.com. Ouais. Il est en train de régler les problèmes. Exactement. il se couche la nuit ou il somnole puis il fait du code pour le site web. On tient à le remercier d'ailleurs et à lui donner tout le crédit à lui et à Marc-Antoine Berthiaume pour la mise en place de ce site-là. On reçoit beaucoup, beaucoup. Moi, en tout cas, je sais que j'en ai reçu puis j'ai à peu près rien à voir là-dedans. Mais j'ai reçu beaucoup de bons commentaires à propos. Oui, on est très content. Tout le monde, en fait, on est content de la nouvelle plateforme. Puis, je ne sais pas si vous avez vu hier, mais il y a plusieurs articles qui ont été publiés hier dans la même journée. C'est tout toi? Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'articles qu'avant maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué. Là, mais... les gens sont plus intéressés à poster, c'est exactement, sûr. Puis l'interface, c'est le fun, donc c'est ça. Ouais. D'ailleurs, Kim a lancé l'invitation cette semaine, donc je me permets de le faire ici. Si jamais vous trouvez que vos connaissances informatiques sont supérieures aux nôtres, ce qui se peut très bien, mais j'en doute. Mais, égal, on va dire égal. Égal, mettons. Non, non, faudrait que ce soit mieux quand même. Ben, le... Je veux dire, mais non, non, mais on veut du meilleur contenu. Que... Ben, on veut pas du meilleur contenu, on veut plus de contenu. On veut plus de contenu. Ouais. Donc, si vos connaissances informatiques sont égales ou supérieures aux nôtres, vous êtes invité à et que ben, vous n'êtes pas trop mal au clavier et en français, vous êtes invité à proposer votre nom sur le site de MacQuébec pour devenir rédacteur. Donc, on cherche du beau et du bon contenu. Donc, vous êtes invité à venir. Et pour notre part, ben, en fait, nous, on s'occupe du podcast audio, on le fait en vidéo, mais il commence à avoir beaucoup de tutoriaux aussi qui ont été faits par, entre autres, Dean Lubaki et Vincent qui en ont mis. Je pense, Jean-François, tu as fait de quoi aussi? Ça va le faire, il faut que je le fasse. Je vais avoir le temps la semaine prochaine, je suis en vacances. Là. Okay. Ça va être un complément aux vidéos que Vincent a faites, comment changer un SSD. Ah, toi, tu vas le faire au niveau software. Je vais le faire au niveau software, moi. Okay, excellent. Donc, ben, tu me diras, d'ailleurs, on a une nouvelle section. Oui, je vais avoir besoin de toi, c'est sûr, parce que... ben, c'est bon, puis il y a une nouvelle section sur le site, donc macquebec.com/vidéo avec un S. Vous le voyez de toute façon dans le menu là, sur macquebec.com, c'est plus facile, donc vous pouvez aller voir les tutoriels facilement. C'est ça. Puis comme on est en train de faire ça, ben moi, je vous lance l'invitation. Autant si vous avez des connaissances au niveau audio, si vous êtes compositeur, par exemple, et que vous faites des thèmes musicaux, vous voulez nous aider peut-être à faire l'emballage du podcast, ce qui peut-être nous aiderait à mieux segmenter les différentes chroniques, les différentes parties du podcast. Si, par exemple, vous pouvez nous aider du côté de l'emballage vidéo, Vincent, en fait, comme on le dit, là, fait à peu près tout. Il nous a fait quelque chose au niveau... qu'est-ce qui se passe? Non, mais je suis en train de lire qu'est-ce qui se passe sur le fil Twitter. Ça, c'est pas bien beau à voir qu'est-ce qui se passe à Montréal. Excusez. OK. On va aller regarder ça après. Puis donc, si ça vous tente de participer à l'équipe parce que vous trouvez qu'on est jeune et dynamique, frais et bien formé, comme dirait Bryce Denice, ben vous êtes les bienvenus. Vous nous lâchez un DM ou un poke sur Facebook. Et puis on est super intéressés à travailler avec vous, en fait. On essaie de construire cette communauté-là que Kim a démarré, puis d'être de la communauté la plus dynamique au niveau du Mac au Québec. Yes. Voilà. Bon, je pense qu'on n'est pas pire, mais on peut faire encore mieux. Bon, on va en avoir une autre. Prochaine question. Impossible d'ouvrir Outlook Web Access sur à partir de Safari, une fenêtre certificat réapparaît toujours. Avez-vous déjà eu ce problème? De Julie Racine. C'est sûr, c'est un produit Microsoft. Non. C'est facile à dire. c'est sûr que ce sont des paramètres de sécurité et oui, c'est un produit Microsoft quand même. Moi, je suggérais, puis je sais pas si ça va fonctionner, mais d'aller sur la trousseau d'accès sur votre Mac, puis d'effacer ce qui est en ce moment les certificats qui sont là. Okay. Donc, repartir à zéro. Puis ensuite, s'ils vous demandent les certificats, vous les acceptez. Puis s'il y a un endroit à cocher, de, je ne sais pas leur demander à chaque fois, cochez-le aussi. Peut-être que justement, il y a un problème avec les certificats qui sont en ce moment sur votre machine et que là, en les enlevant puis en installant des nouveaux certificats, ça va régler le problème. Je connais pas beaucoup justement Outlook Web Access, là. Je sais c'est quoi. Par contre, puis j'ai jamais eu de problème avec les certificats, mais c'est une manière de faire pour ne pas avoir de problème avec les certificats. Ouais. Je viens de relire sa question. Ce qu'il faut faire, la fenêtre qui apparaît certificat, il faut lui demander de montrer les détails. Et en tout petit, tellement petite qu'en fait, on la voit pas, il y a une petite case qui est là et qui stipule « t'en souvenir » puis « arrêter de me poser la question ». Et on coche ça, on fait « OK » et normalement, on devrait plus en entendre parler. OK, je pensais qu'il était déjà coché. Ben c'est vrai. Si ça continue de répéter, passez par le trousseau d'accès à ce moment-là, trousseau de clés. Le keychain. Pourquoi je suis fermier dans mes temps libres? Là? J'ai pas compris. Non, ben à cause de qu'est-ce que tu bois là. Ah, c'est du Prestone. C'est ça? J'étais un gars de char dans une autre vie. N'importe quoi. Aussi un dieu du tonnerre et. Un dieu nordique. Exactement. Ouais. Mais gros. N'importe quoi. Écoutez, je pense qu'on a fait assez de ravages comme ça. Ouais, ouais. Ça a été. On a eu moins de questions cette semaine. Je ne sais pas si. Avez-vous eu des troubles, vous, avec vos ordinateurs cette semaine? Non. Mais non, c'est ce que je disais, malheureusement. Ou heureusement, j'ai pas eu de problème avec mon ordi. Mais là, j'attends mon data doubler là, que j'ai commandé plus tôt. Ah, ben, hey, mais non, la semaine prochaine, la semaine passée, tu te rappelles-tu la question que j'ai envoyée? J'avais un problème avec Bitmap sur mon. Oui, c'est ton disque dur. Oui, c'est mon disque dur. J'ai aucune idée. j'ai fait une réparation disque. Puis non, Vincent, le show, c'est eux autres posent des questions. Et nous autres, on donne les réponses. Okay. Tu peux pas poser de questions sans avoir de réponse. Ce que je vais faire, c'est que je vais le rediriger par JF parce que je me rappelle qu'il m'a dit « Je vais aller voir ça ». Donc, okay. Je relance la question vers JF que je suis sûr qu'il a préparé une réponse pour le show ce soir. C'est sûr! mais j'ai fait une réparation de système puis c'était juste justement le bitmap qui était corrompu, là. Moi, je pensais que c'était plus au niveau de l'affichage d'écran, mais c'était pas du tout ça. Là. C'est au niveau des. À ce que j'ai vu rapidement, c'est au niveau des disques durs HTFS+. HFS. HFS+. Plus. HFS, oui. C'est sur ta partition Windows ou ta partition Mac? Non, c'est ça, Mac? C'est sur ma partition Mac. Ah, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. J'ai fait une réparation, ça a été réparé. Fait que... Excellent. Fait que c'est ça. On invite les gens, on prend ce deux secondes là pour inviter les gens à écouter le podcast Mac Québec, qui est le podcast qu'on fait juste avant aux deux semaines. Peut-être que vous nous écoutez seulement à travers les amateurs de Mac Bonsoir parce que c'est ce que vous pouvez attraper au passage en direct ou quoi que ce soit. Donc, on a un deuxième podcast qui s'appelle le podcast Mac Québec, qui, selon les statistiques de iTunes, est pas mal plus connu que les amateurs de Mac Bonsoir, mais quand même. Et on y parlait aujourd'hui avec Patrick Gagné de Tag Taxi. C'était vraiment intéressant. Puis, on n'a pas eu le temps de pousser la discussion un petit peu plus loin, mais l'idée, en fait, de Tag Taxi, puis c'est une idée que j'avais déjà discutée avec Vincent, au niveau de la mise en place de... Des commuters, c'est quoi? C'est commuters, c'est les gens qui s'assoient ensemble dans la même auto. Covoiturage, voilà. Merci, covoiturage. Donc, il y aurait eu moyen de faire une application aussi. Par contre, ils ont été brillants chez Tag Taxi parce qu'il y a des lois qui encadrent et qui protègent le métier de taxi à Montréal. Tu ne peux pas arriver... En fait, il y a plusieurs paliers, là, mais mettons, au niveau d'être assuré dans un véhicule où est-ce que tu fais du transport de personnes, la SAAQ ne te permettra pas d'embarquer quelqu'un que tu ne connais pas dans ton automobile. Et la deuxième chose, c'est que si il y a un intermédiaire entre s'il y a quelqu'un qui se pose en intermédiaire, que ce soit pour monétiser la patente, entre le conducteur et le passager. À ce moment-là, il y a une problématique aussi au niveau des assurances. C'est ce que Patrick m'a dit. Mais c'est ça, éventuellement... C'est tout un monde de lois et de règles. Comme tu as dit, s'il y a quelqu'un... Puis je suis allé vérifier justement, si quelqu'un qui monétise la chose, effectivement, ça rentre dans ces lois-là. Par contre, si ça fait juste une espèce d'intermédiaire, mais sans... Mais gratuit. Sans aucun bénéfice, exactement. Ça pourrait fonctionner. Ça passe parce que la compagnie pourrait, sous forme de pas budget, mais sous forme de commandite, de partenaire. Par exemple, je sais pas moi, la STM, ils sont bien forts là-dessus, de pousser aussi sur le covoiturage. Donc, plein de choses comme ça, plein de partenaires, ou même au niveau gouvernemental, je suis sûr que ce serait intéressant. Ou même Montréal, au niveau de la journée verte, je crois. Là, il y a une espèce de journée une fois par année. C'est toutes des petites choses que la compagnie pourrait aller chercher de l'argent, puis en fait, oublier le fait de monétiser cette chose-là, puis ça fonctionnerait. Puis je suis sûr que ça fonctionnait très bien. Autant que Taxi fonctionne super bien au niveau d'interface, waouh. Ben, ce que en fait, comme il disait un peu dans sa présentation, il avait présenté un petit peu plus. Puis éventuellement, en fait, c'est drôle parce qu'il donnait un exemple où est-ce que lui avait pris un taxi pour se rendre en quelque part, mais il était aux abords d'un désert. Et en fait, il avait parlé au taxi, puis le taxi disait « Oui, oui, on devrait partir, bon, éventuellement, tu vas t'asseoir, prends un café, et puis je vais aller te chercher dès qu'on part. » Puis en fait, il n'avait pas comme posé la question « Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on attend? » Tu sais, il pensait que c'était peut-être à des heures ou quoi que ce soit. Mais en fait, le taxi attendait juste qu'il y ait d'autres mondes qui arrivent puis qui disent « On veut aller à la même place. » Donc, pour partager le taxi, pour optimiser en fait le gaz que le gars allait gaspiller. Et éventuellement, j'ai comme l'impression que l'application, c'est ça qu'elle va permettre. Donc, le premier niveau qui va engendrer une adoption. Et je pense que la stratégie de Tag Taxi est vraiment forte en ce sens. Comme il l'a dit, il y a déjà du monde qui ont utilisé dans le langage courant le terme « taguer ». Bon, on l'utilise pour d'autres choses, mais dans ce cas-ci précis, le terme « taguer » pour dire qu'il s'était calé un taxi avec l'application. Puis éventuellement, il pourrait rajouter un niveau où est-ce que tu serais capable de partager un taxi à plusieurs. Par exemple, l'idée que lui m'a dit, c'est l'application pourrait être avertie qu'il y a une panne de métro. On sait qu'il y en a beaucoup de ce temps-ci. Fait que là, toi, tu sors, tu fais « OK, je fais quoi? » Fait que là, tu peux embarquer dans le premier taxi qu'il y a là ou tu peux en caler un. Mettons que tu es dans une situation où est-ce qu'il n'y en a pas. Mais l'application pourrait te dire « Hey, il y a du monde qui ont commencé à caler des taxis dans l'endroit où est-ce que t'es. Tu veux-tu embarquer? Tu veux-tu qu'on te mette en corrélation avec cette personne-là? » Puis tout ça. Mais tu sais, c'est d'autres niveaux qui peuvent rajouter. Fait que moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que si on y pense, plus on met de gens dans un véhicule, ben moins il y a de véhicules avec des gens tout seuls dedans qui circulent sur la voie. Puis moi, je suis en banlieue, donc je le vois tous les jours. Il y a de la circulation sur trois voies avec des autos à cinq places dans lesquelles il y a une personne. Puis j'avais rencontré, c'est une grosse parenthèse, mais j'avais rencontré il y a quelques années de ça, quelqu'un qui travaillait pour une compagnie qui était en train qui avait été engagé par l'État de la Californie pour faire un véhicule où est-ce que tu avais... en fait, l'idée, c'était d'essayer de séparer sur le sens de la longueur un véhicule. Donc, d'avoir comme une espèce de moto recouverte à quatre roues, puis de dire, ben dans une voie, on est capable de mettre deux de ces véhicules-là, donc de mettre deux personnes une à côté de l'autre, et donc de diviser par deux le nombre de pas de véhicules, en fait, mais de multiplier le nombre de personnes qui peuvent rentrer sur une route. Fait que ça, c'était pas mal intéressant, puis je pense que c'est un très, très bon filon de gamifier quelque chose. Puis en plus, moi, je suis très content qu'ils fassent quelque chose qui serve à de quoi. Je veux dire, Twitter à la base, Facebook à la base, tout ce qu'on fait avec un téléphone, ça sert à rien. Mais là, il y a de quoi de réel de faire en arrière de ça. Et il y a un début de résolution de problème aussi. Fait que voilà. C'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Le moment éditorial du show. Le moment éditorial. Pour une fois qu'on ne parle pas de en tout cas, de ce qu'on peut parler d'éditorial de ce temps-ci. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on va mettre fin au show. Ouais. On va aller se reposer un peu puis regarder notre ville être mis à feu et à sang. Summer is coming. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on va aller vérifier ça. Où est-ce qu'on... C'est un peu dommage, mais bon. Oui, tout à fait. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets, messieurs, Jean-François? Moi, on peut me retrouver à JFroy1979 sur Twitter, Facebook, Google+, et c'est ça. Vincent? Moi, on peut me retrouver sur les Twitter à DEVVMiller pour me poser des questions, pour me suivre sur les choses intéressantes de la vie. Pour que je tweete disant que je suis allé me chercher un café. C'est ça que je m'en allais dire. C'est exactement. Mais de ce temps-ci, je fais moins de Foursquare pour essayer de déranger le moins de monde possible. Puis... Ah, je sais pas, je l'ai bloqué à cette heure. Et Tabarouette, c'est un petit message. Ouais, c'est ça exactement. Puis, non, mais c'est le fun avec Tweetbot. Tu peux bloquer ce que tu veux. Ben oui, c'est le fun. C'est super le fun. Tiens, fait que... J'ai-tu hâte qu'il sorte pour le desktop? Ah, ben j'ai-tu hâte, moi? Maudit bâtard. Je suis prêt à le payer tout de suite. Mettez ça sur Kickstarter. Oui. Ce serait bon. Hein. Ah ouais, tu mets ça sur Kickstarter, là. Tweetbot pour Mac ou pour PC, là, whatever. Ils vont péter tous les trucs. D'ailleurs, parlant de Kickstarter, j'ai reçu un truc. Là. Il reste une semaine, by the way, si vous voulez vous procurer la Pebble Watch dont j'ai parlé dans un podcast précédent. Tu en as combien? Je sais pas. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 8 millions. Là. Il y avait tout arraché. Là. OK. Il avait tout arraché, mais comme j'en ai parlé, c'est un modèle d'affaires qui est un peu chambranlant parce qu'Apple pourrait décider de rajouter une puce Bluetooth au iPod Nano, puis ils viennent de torcher... Combien t'as dit? De quoi? Combien t'as rendu? 8 millions. 8 millions de ramassés. Ils sont rendus exactement à 10 211 322 $. Pas mal. Ouais. Fait que... Et ils ont updaté, en fait, non. La puce Bluetooth qu'ils ont mis dans l'appareil éventuellement va être updatée pour fonctionner en Bluetooth 4, ce qui est une très bonne nouvelle. Elle n'est pas sold out? C'est sold out, là, c'est fini. Là. Ah oui, il n'y a plus de... Non, tu ne peux plus rien acheter. Là. Même à 1 000 $, il y en a eu 31 personnes. Là. Fait que c'est fini, tu ne peux plus rien acheter. Wow! OK. Ouais. Pas mal. Vincent, est-ce que tu nous avais dit partout où on peut te trouver? Oui, sur Twitter, puis aussi sur mon site web, vmiller.ca, si vous voulez développer une application iPhone ou iPad. Je suis plus occupé maintenant, donc donc c'est ça. Donc contactez-moi si vous avez des questions. Il commence à avoir un backlog, là. Il commence à être minuit moins 5, là. Exactement. Si on veut t'engager. Excellent. C'est ça. Voilà. Pour ma part, vous pouvez me retrouver au Alex Cornelier, mais plus probablement, si vous rentrez alexis.cornelier@gmail.com dans Battle.net, vous allez retrouver ma Demon Hunter en train de chasser encore pour les prochains jours, jusqu'à temps que je me dise, ben là, il est peut-être temps que j'aille apprendre à faire quelque chose dehors. T'as pris quoi comme personnage? Demon Hunter. Ah, OK. Puis, en fait, c'est à cause d'un ami, il y a quelques années, quand on commençait à jouer à World of Warcraft, lui, il a commencé après nous. Puis, il a dit tant qu'à regarder le cul de quelque chose à longueur de journée, parce que lui, il était dans une situation où est-ce qu'il jouait à longueur de journée. C'était en fait, son seul lien extérieur, c'était ça. Il avait un handicap. Donc, tant qu'à voir le cul de quelque chose... De quelqu'un toute la journée, autant que ce soit un qui soit attirant. Donc, il avait pris une fille plutôt qu'un gars. Puis dans ce genre de jeu-là, en plus, ça t'apporte... c'est comme plus facile parce que tout le monde te donne des trucs. Ils ne checkent pas vraiment qui t'es en vrai. Là. Fait que j'ai... On va leur redire. On parle présentement de Diablo 3 qu'on va avoir une copie à donner au WWDC en date du 11 juin 2012. Voilà, si vous venez écouter le show en direct, l'événement en direct de Sherbrooke. Au nombre de personnes qu'on écoute, là, qui nous écoutent en live là, quand on fait des présentations, là, ça va être quelque chose. Il va falloir voir comment on le fait tirer. Oui, c'est vrai, il va falloir checker ça, comment on va faire ça. Fait que... Ce sera probablement pas la seule affaire qu'on va tirer aussi. Fait que... Non, c'est ça, mais il va falloir trouver une manière. En tout cas, on va checker ça en background. On vous écœurera pas avec ça, nos... Ça, ça va être notre job. Ouais. C'est ça va être notre job à nous autres. Et bientôt, en fait, vous allez pouvoir me retrouver au alexiscornelier.com. C'est vrai, les textes ont été écrits. Il reste quelques trucs à envoyer, mais ça devrait être en ligne d'ici la fin de la semaine. J'ai demandé à Vincent si c'était lui ou toi qui avait écrit les textes, mais il m'a dit que c'était toi. Voilà, et je les ai même corrigés dans Antidote. Oh, ah, bravo! On en parlera après. Antidote, c'est pas parfait, là. En plus, il y a des problèmes dans 10.8. Ouais. Donc, je vous dis à dans 2 semaines, comme on l'a stipulé. En fait, on arrête pour la période d'été de faire les shows aux semaines. On va faire maintenant les podcasts Mac Québec et les amateurs de Mac Bonsoir aux 2 semaines. Ça va être le même soir tout le temps. Donc, on se retrouve dans 2 semaines jusqu'au mois de septembre. Parfait. Voilà. Bye. Bonne soirée, messieurs. Bye. Salut. Bye. Bonne soirée.